Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 16e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. طيب نصوب التدريبات من الدرس السابق. أولا الكلمات. ما معنى بيانات؟ Information. كاملة. Complètement. مكتب الطرود. Bureau de colis. مستعجل. Pressé. بيضاء. بيضاء سي بلانش. مكتب البرقيات. مكتب البرقيات سي بيرو دو تيليغرام. نعم. طيب ايش كان يوجد اليوم؟ شو كان يوجد دو فوا نو؟ أشار يشير. أشار يشير أنديكي. هنأ. المصيبة المغير. نعم. النجاح. النجاح سي سبحان الله. النجاح سي La réussite au succès. Akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru, ça c'est. Akhbara yukhbiru. Oh, laisse tomber. Informé. Nam. طيب وكذلك تمرين كم اليوم؟ الرابع. لا الثالث فعلناه معا ونفعصم. الرابع. الرابع. طيب الجمل الأولى. ذهب محمود إلى السكن من المدرسة. مدرسة. J'ai fait par sélection en fait. Je pense que ça va être faux. لا صحيح لكن c'est par sélection c'est toi qui se répète. C'est. Il y en a qui se répètent je crois. Voilà même. Parce que j'ai pas compris second. C'est quoi ça c'est l'habitation. Non. Dors-toi. Dors-toi. ثانيا وصل إسماعيل بالحافلة. نعم ب. بالحافلة. ثالثا سأل إبراهيم الموظف عن مكتب البرقية. نعم. رابعا وضع أحمد القلم في الحاكمة. نعم. خامسا جلس علي في المكتبة ليقرأ صحوفا. نعم. سادسا كتب المدرس على السبورة. سبورة. سبورة. طيب ما فيش خبرة با. نعم. شكيت أن قوي نسلفه. طيب أسئلة عن أي شيء سأل إبراهيم الموظف؟ سأله عن المكتبي برقية. نعم. أين مكتب البرقيات؟ هو أمام المكتب الطرود. هو أين؟ أمام المكتب. يا بعد ما في ألف ولا لام. المضاف مضاف إليه. المضاف يكون بعد ألف ولا لام. إذا أنت من ضمة سكن ضمة. أمام ثم. مكتبي. نعم تتنادي مكتب ودر مكتب الترود. نعم. ماذا ملأ إبراهيم؟ ملأ بيانات كاملة انكسرة بس كنت في منصوب سلوك جم ذكاء جم مؤنث سالم سلك الكسرة فقط فتحة كم من الأخرى سبا من لي زيكسبشن كاملة. نعم. رابعا لمن سلم إبراهيم البرقية؟ سلم الموظف لمن سلم إبراهيم البرقية؟ سلم موظف البرقية تالية. لا السؤال قال لمن؟ أكي سلم إبراهيم البرقية؟ سلم. لا طيب ما في بقى أيضا. Non, ça veut dire que c'est le voisin, en fait, qui a donné, c'est ça. Et là, il y a Hafoujar, l'Iman. C'est dit, Sallamaha l'Imouazaf. Sallamaha l'Imouazaf. Naam. Khamisan, ila aina arsala Ibrahim al-Barqiyya. Yuridu an... Ma kala ila in yurid. Kala ila aina arsala Ibrahim al-Barqiyya. أرسلها إلى القاهرة. طيب سادسا لماذا أرسل إبراهيم البرقية؟ طيب فانت حاول تجد بنفسك اقتراحا تكون سوجيسيون بوكو لو ريبال السبب اذكر سببا ايوا سوجيسيون تو تي بروبابل نعم Très inventif quoi. Franchement, parce que déjà, j'ai même pas le texte là, j'ai même pas. Pour moi, je vois qu'il va juste à la poste. Ah ouais. La quinte on te dit pourquoi t'envoies Télégramme. C'est pas pour apprendre en garde en général. Ouais, je sais pas. C'est pour prendre de nouvelles des gens ou informer d'une chose. Ouais, ça. Voilà. Ouais. Fin indienne. ماذا تفعل On avait dit qu'on faisait celle-là ou on ne faisait pas? Non, t'as dit qu'on ne faisait pas. Ah non, c'est ce qui me semblait. Mais moi j'ai lu, j'ai pas compris pourquoi tu voulais pas qu'on le fasse. Parce qu'il va falloir beaucoup inventer des choses. Donc, on va le laisser. طيب يا الثالث املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة بما يلي الجملة الأولى لم تكتب تكتب تكتب لم تكتب رقم رقم صندوق صندوق البريد صندوقي صندوق البريد اكتب العنوان Nam, Kamulen. Tu n'as pas écrit le numéro de la boîte postale, écrit l'adresse complètement. À Kaza. Que Ali a annoncé la bonne nouvelle à son fils qu'il a réussi. On l'a félicité pour sa réussite. Farifan, Aspika. Que l'employé indique vers la fenêtre avoisinante, à côté. طيب سندخل في الوحدة الخامسة cinquième unité من الموضوع الرابع وهذا هو الدرس الرابع عشر كتخيم نصر بعنوان عمر مريض عمر مالاد مريض سبجع مالاد هذا معروف طيب الكلمات الجديدة حدث يحدث لا سيمين فوس كو حصل يحصلو سان على est-ce que tu rappelles ça veut dire quoi quand on lève على لا ça veut dire على يحصل كذا ويحصل كذا ça veut dire quoi لا il a le même sens que حدث il se produit c'est passé c'est ce qui est arrivé نعم Et quand dans Sahel ou Khali Muslim, il y a un Haddatana, c'est ça? Là, c'est avec un autre sens. C'est on m'a dit, on m'a raconté, on m'a cité. Ça y est. Muntasif, un Muntasaf, l'Eil. Un Muntasaf tout seul, c'est au sens de la moitié. Quand on dit Muntasaf l'Eil, c'est minuit en fait. شعار يشعر ça veut dire ressentir ou se rendre compte aussi mais là s'il veut dire c'est ressentir humma la fièvre la fièvre Alamun, c'est douleur. Alam, douleur. Batn, ventre. Ittasala, yattasilo. Ça veut dire quoi? Téléphoner. Non. À la base, c'est pas seulement téléphoner, c'est mettre en contact avec quelqu'un. Ou se lier à quelque chose, mais là, le sens voulu, c'est téléphoner. Il faut rajouter half jar. Ou bi ou li. T'as qu'il y a un bihi ou t'as un là. Pour dire je vais l'appeler par exemple. Al-Isaaf. Al-Isaaf c'est. Yani. Assistance. Secourisme. Si on te dit par exemple. Sayyaratu al-Isaaf, c'est une ambulance. Le fait de transporter un malade. Ou un blessé. Ou une urgence peut-être. Al-Shifa, guérison. Al-Shifa, guérison. Al-Ajil, urgent. Également. Al-Ajil, urgent. Tout ce qui amène une chose qui va vite. Mais Al-Mustajil. Tu appelles Mustajil ? Al-Mustajil, c'est un synonyme. Tamanna, yatamanna, c'est espérer une chose. Normalement, tamanna, c'est espérer une chose qui est dure à obtenir, ou peut-être pas possible. Pour être plus précis. Oh, oui. C'est un mot correct, ça ? Non. Ah ouais. Non. Le Coran dit وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا مَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ qui n'espéraient pas avoir la mort parce qu'on a conclu leur main en parlant des juifs. Layl, la nuit. تَكَلَّمَا يَتَكَلَّمُ parler. Jalisun, c'est quoi Jalis? C'est un ism fa'il. Non, quel verbe? Jalasa. Non. C'est pas celui qui s'assoit, non? C'est être assis. Être assis. Mm. Waqif, c'est quoi? Waqif. Waqif, oh, subhanallah. C'est ism fa'il kazalik. Ah, de waqafa yaqifu qui veut dire ou être debout ou s'arrêter. Ouais, c'est ça. Être debout. Quand on dit waqif là, c'est le contraire de jalis. Ja'i' c'est le ism fa'il de ja'a yaju'u qui veut dire avoir faim. Donc ja'i' c'est quelqu'un qui a faim. On peut dire ju'an aussi. Tahaddatha, tahaddathu, discuter. Parler aussi. Tahaddatha. Qarib il takallama. Tahaddatha, ce serait plus discuter. Masha, yamshi. Nam. La'ibun, c'est. لاعب هذا كذا اسم فاعل لاعب لاعب خالص لا اقول لك لاعب اعرابه انا وصف فاعل enlève les trois lettres d'origine لاعب ايوه. Et en fait, le verbe c'est laïba, jouer. Laïba, il y a l'abou. Ouais, mais là. Laïb, c'est dans ce qu'on avait vu, c'était pas juste les verbes à la wazn fa'ala pour les ismu fa'il là qu'on avait vu. Ah, ouais. C'est juste pour fa'ala, mais laïbou, c'est. C'est pareil. C'est verbe, on a dit les verbes à trois lettres. Qu'ils soient avec une doma ou une kasra ou une fatra. Ouais. Tous les trois lettres, ils viennent à la wazn fa'il. La haraka n'a rien à voir. Le nombre de lettres qui envoie. Naam. Naimun, c'est de Naama ya Naimu qui veut dire dormir. Donc Naimun, quelqu'un qui dort. Et Laiba, c'est quoi? Quelqu'un qui joue? Laiba, c'est jouer. Donc ils sont fa'il, t'en déduis le sens. Akala, yakulu, manger. Ma'alouf. Raja'a, yarji'u, ça veut dire quoi? Rappelle-toi. C'est le même sens que Aada Ya'udo. Quitter, non ? Non. C'est le même sens que Aada Ya'udo. Même Aada Ya'udo. El Aouda. On l'a pris ? Revenir. Ah ouais, revenir. Marid, on l'a dit, c'était malade. Amsi, hier. à dire hier. طيب ناخذ الحوار. انا ساقرا عثمان وانت علي. طيب انما نحن سنزيد السلام فاقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا علي. أين صديقك عمر؟ Donc bienvenue au Ali, où est ton ami Omar? هو مريض جدا. Donc il est très malade. متى حدث ذلك؟ كان عمر يجلس معنا أمس إلى منتصف الليل. Donc il dit, quand est-ce que cela est arrivé? C'est produit? Hier, il était avec nous jusqu'à minuit. Donc regarde là, il a mis Kana. Il était assis avec nous en fait, c'est ça? Non. Mm. Il était en notre compagnie, quoi. Ouais. Voilà. Am jusqu'à minuit. Ali. Lekad sha'ara bihuma. Humma. Bihuma. Yanchadda, sur le même. Lekad sha'ara bihuma wa alama wa alamin. Donc il dit, il a ressenti de la fièvre et une douleur dans son ventre après être revenu au dortoir. وهل ذهبتم به إلى الطبيب؟ Êtes-vous allé avec lui chez le médecin? نعم اتصلنا. اتصلنا. نعم اتصلنا بالإسعاف هاتفية ليأخذه للطبيب. نعم. Donc il dit oui, nous avons appelé l'ambulance. Quand il dit hatifiel, c'est pour préciser en fait le tisol qui a eu lieu par téléphone. Comme on a dit tisol, à la base c'est pas forcément téléphone. Mais aujourd'hui, si on n'a pas le droit de dire sans dire hatifiel, on va comprendre. Mais c'est pour préciser. Vous voyez? Donc il dit, on a appelé par téléphone l'ambulance pour qu'il la prenne au médecin. Donc je lui espère une guérison rapide. Si ça avait dit Arjou, ça aurait été mieux. Parce que Tamanna, c'est plus espérer une chose qui est très dure, presque impossible. Donc le call est Arjou Laou, la Kana Ahsan. ولو قال شفاه الله لكان أحسن من أحسن لكان الدعاء بولي. طيب مفهوم النص. ثم يقول أولا استمع وردد. Donc là il va donner des exemples de phrases avec كان. Ça veut dire quoi كان? À la base tout seul être. Mais quand on rentre dans une phrase avec une autre phrase derrière, il change le temps du verbe. مثلا يقول الآن كان عمر يجلس معنا. Ça serait traduit par Omar. طيب s'asseyait avec nous. Ça revient à une forme d'imparfait en fait. Ça revient à une forme d'imparfait. Quand tu viens à l'autre verbe moudalia derrière, taman, طيب ça vient à une forme d'imparfait. Si on avait dit Omar جلس معنا. C'est Omar s'est assis avec nous. Ça se passe passé une seule fois. Donc on met Kana, c'est une chose habituelle. Mais comme la parfait un peu. L'aime, ce qu'on avait fait, ça l'aime. C'est quoi ça? Ça aussi, c'est la négation de l'aime. Négation au passé. Au passé. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien. Là, il n'y a pas de négation, là. Non. Ma fille, Nafiouna. Thanian, Kana Ibrahim, il t'a kallem bil hatif. Ibrahim parlait au téléphone. Ibrahim parlait au téléphone. Thalithan kana Salim yajlisu ala al-kursi. Salim s'asseyait sur la chaise. Et ça peut aussi mettre par en train de. Par exemple, kana Salim yajlisu ala al-kursi. Salim était en train de s'asseoir sur la chaise. Ça dépend ce qu'il y a derrière.

سادسا كان محمود جائعا محمود avait faim. سابعا كان محمود مريضا محمود était malade. مثلا لماذا ما أتى خليل أمس كان خليل مريضا. طيب ثانيا عجيب كما في النموذج. دونك النموذج يدي كان محمود يجلس معنا entre parenthèses maintenant il veut que tu fasses la même phrase avec le verbe entre parenthèses et en dessous qui est يلعب. Ça deviendra quoi? كان محمود يلعب معنا. طيب محمود joue avec nous. Donc là maintenant tu fais pareil en prenant كان محمود, tu mets le verbe entre parenthèses et tu mets معنا. ما في معنى, tu peux mettre معنا derrière. تفضل. يسافر كان محمود يسافر يسافر معنا. نعم محمود voyage avec nous. Et là j'ai dans des soins là on le voit en dessous mais là on le voit là ça c'est un verbe là. C'est là c'est une phrase entière là, c'est plus un mot tout seul. Ah ouais. C'est une règle aussi que tu apprendras, parce que pour en faire trop dans le livre, ça sortira du sujet. Là, c'est une phrase entière. Avant, c'était un mot tout seul, pas pareil. Thanien. Yadrous. Nam. Kana Mahmoud Yadrousou Ma'ana. Nam. Mahmoud étudie avec nous. Kana Mahmoud Yamshi Ma'ana. Nam. Mahmoud marchait avec nous. كان محمود يتحدث معنا. محمود discutait avec nous. كان محمود يتحدث معنا. محمود embarquait avec nous, montait avec nous. كان محمود يأكل معنا. محمود mangeait avec nous. Maintenant, il va faire pareil avec un ism mufrad, avec un mot seul, isolé. رابعا عجيب كما في النموذج. النموذج كان محمود جالسا. Entre parenthèses, il veut que tu prennes le mot واقفا. Donc tu vas dire quoi? كان محمود واقفا. تفضل الجملة الأولى. مسافرا. كيف تقول؟ كان محمود مسافرا. نعم. كان محمود عائدا. عائدا c'est l'ism fa'il de quel verbe si tu arrives à déduire. عائدا نعم اسم فاعل de on avait dit revenir عاد عاد يعود عاد يعود نعم عاد. ثالثا كان محمود نائما. نعم نائما اسم فاعل de quel verbe نعم نعم دوريا. رابعا كان محمود قادما. نعم قادما اسم فاعل de quel verbe قادما. يقدمو qui veut dire arriver. خامسا ذاهبا كان محمود ذاهبا. محمود en fait on va dire s'en allait. سادسا كان محمود ذاهبا. نعم طيب عالما ملي موا عالما كان محمود عالما. نعم حافظا كان محمود حافظا. نعم طالبا كان محمود طالبا. نعم maintenant je te mets un autre mot, c'est pas اسم فاعل. سلفيا سلفيا كان محمود سلفيا. ايوه ولا زال سلفيا ان شاء الله. اي نسست سلفي.